fais-moi que sauter. Poupée protégée, pour pas animal. En rivière-moi que plonger. En bas maison que aller. Poupée ça sauver. Poupée que j'ai abandonné. Ou pas ni t'en laisser vous trembler. On parle à pli moins que pareil. Ou pas ça cacher au cœur au moins bébé. Pas là.